C'est pas Pantera. J'ai Julien Pantera, je ne sais plus le Sepultura. Ah non, je me fais enregistrer. Comment trouves-tu le Sepultura? Moi, je préfère le Pantera, franchement. Ah, pas mal, Pierre, t'es bien gris. Pantera. 3. C'est gâche.